Wesh TH. Wesh gros, bien ou quoi, c'est comment? Wesh, par rapport à la dernière fois là, ouais. De l'autre fois, qu'est-ce qui s'est passé? Non, t'inquiète. Vas-y, j'ai un truc à te proposer là, prépare un petit collectif. Ouais, c'est ça, cool. J'ai un bon petit plan. Négro, y'a pas de drap, y'a pas de team unique. J'suis en alliance dans le bassin avec la batsif, donc fuck ethnique. On te l'a déjà dit, les gants et la cagoule, c'est pas un style. J'm'installe sur un but normal, j'casse des bouches en freestyle. La dalle. Sans chant des coups bêtes, j'monte pas au cache-pipe avec un. Tu prends une boucave sur un coup de tête. On a rien dans la tête, tout tente pas. Nous casse pas les couilles, la peste dans le front. Comme dans les narines de Johnny Negro, je planque la go. Le baveux, ça coûte la peau des seufs, mais mets ce qu'il faut. Cette fois-ci, on veut grimper la crise, on l'a trop eu sur nos côtes. Je parle les outils, moi j'appelle R.A.Y. pour la cérémonie. On se retrouve au siècle sans gros ce soir, avant minuit. Vas-y, c'est ok. Ouais. Allez, je vais l'appeler là tout de suite. C'est bon, on fait comme on a dit. Allez. Ouais, R.A.Y. Ouais, c'est TH là. Ouais, c'est cool. Bah, y'a une jet qui m'a appelé pour le Cotru COP. Ouais, c'est ok. J'ai au quartier tout de suite. Vas-y, j'ai R.A.Y. Star, c'est cool. Des petites têtes pour des gros bons cruises. Du râler, son angle pour eux. Si on le fait, c'est un bon coup. On le fera si y'a un bon coup. Des petites têtes pour des gros coups. Des petites têtes pour des gros coups. Cruise. Du râler, son angle pour eux. Si on le fait, c'est un bon coup. On le fera si y'a un bon coup. Des petites têtes pour des gros coups. C'est nous, petite capoche, mais grosse paire de couilles. En gros, déter, tire que s'il s'agit d'embrouille. Viens, non, fais demi-tour. Fais parler les douilles, j'fais parler mes couilles. Rien n'a foutre que les keufs patrouillent. J'roule mon buzz. Bosse le plan, qu'annonce le bif. La planque, la libye, si j'glisse. Y'a personne, c'est la crise entre les mains d'Iblis. Ça se moque, ça biffe, on kiffe. C'est la merde, on fait avec. Le système D, la débrouille. Pour ta matin, c'est à la rue. On te la fourre à domicile, pas de soucis. De la pure bâtisse, minuit pile, toujours à l'heure. Les mêmes têtes et les mêmes regards. Désespoir, un de ces reste sur tes gardes. La victoire écarte, écarte les cuisses, coûtera pas le caprouille. Les pistes, on débarque sur la piste. Ouais. Ouais, y'a que ça, ouais. Ouais, t'es où là, gros? Ouais, je suis à nos gens. Eh, on est à là. Ouais. Vas-y, viens, fais deux spies, gros. Fais deux spies, voilà. Des petites têtes pour des gros coups, cruise. Du râler son angle pour eux. Si on le fait, c'est un bon coup. On le fera si y'a un bon coup. Des petites têtes pour des gros coups. Des petites têtes pour des gros coups, cruise. Du râler son angle pour eux. Si on le fait, c'est un bon coup. On le fera si y'a un bon coup. Des petites têtes pour des gros coups. Ramène de la patate, qu'on fasse du chiffre. Qu'on s'en sort dans cette putain de street, faut que tu t'adaptes, les règles sont strictes. Racaille d'en bas des blocs, on retranscrit. Scénario à la sex crime, 16 crimes, 16 rimes. Bif, tu veux être frais dans la street, sois actif. À la charge du Zifu, pas beaucoup feront les fous. Pas besoin de coups durs pour savoir qui sont les vrais. Les faux, t'inquiète, y'a le criminel réseau. Ma boîte, l'équipe, on est tous équipés, on va tous les kill. Pour un plan cash. Putain de sa mère, il caille sa mère, voilà. C'est un truc de ouf. Ah, il fait quoi, Y Star? Attends, je vais l'appeler, attends. Appelle-le, voilà. Il me donne, ça fait un moment, là. De ouf, voilà. Ouais, ça sonne, là, c'est bon. Wesh, tu fais quoi, là, les gros? Ouais, mais les keufs, gros. Ouais, je suis juste là. Vas-y, on est là, gros, vas-y, puis deux spies. Je suis juste là. Des petites têtes pour des gros coups, cruise. Du râler son angle pour eux, si on le fait, c'est un bon coup, on le fera, si y'a un bon coup. Des petites têtes pour des gros coups. Des petites têtes pour des gros coups. Cause du râler son angle pour eux. Si on le fait, c'est un bon coup. On le fera si y'a un bon coup. Des petites têtes pour des gros coups. Hey, trop marrant, voilà. Ils ont voulu nous la mettre. T'es fou quoi toi? T'es fou là, on a l'argent. On va quitter le périmètre. Petite suite, on va prendre un, on va sur Paname, gros. Obligé de grave la dalle. Une petite crêpe à Pigalle. C'est pas gars. Tu vois le délire ou quoi? Ah, gars, Y Star, venons se barre, voilà. Vas-y, mets les voiles, gros. Ça pue le star ici. En vrai.